notre bonheur à nous de résume qu'à délire le fun. Peut-être demain ça ira. Soleil brille un peu dans la dupe, on a trop goûté l'orage. Et moi perso je suis fan. J'oublie tous mes soucis tellement j'oublie qu'un jour je vais gagner. J'ai mon pétard ma canne. Mon négro joue tout en rouge comme Sadio Mané. Issu des quartiers sensibles, je suis en plein dedans. Là les petits aiment la gratte et enchaînent les plaintes. L'hiver, l'été, l'automne, non ils vont pas à printemps. Tous attirés par le deux routes et Mac GP 800. D'un calibre à la messe, ils veulent devenir meurtriers. 18 ans c'est déjà mêlé, ça s'emballe avec les grilles. Ça se cause plein tort, testé tu crois que t'es fort. Les microbes ils sont trop ethniques pour pas un billet. Premier vignon cul sec, quelques bars sans tousser. Ça mise sur les verres cul-saines et toute la paix du boulot. Ça veut faire le rouleau, dans un golf 7 air black. Du son un bon bédo, j'y rentre al dente. Ouais ça fait tant d'années que notre bonheur à nous résume qu'à délire c'est le fun. Peut-être demain ça ira. Soleil brille un peu dans la dupe, on a trop goûté l'orange. Et moi perso je suis fan. J'oublie tous mes soucis tellement j'oublie qu'un jour je vais canner. J'ai mon pétard ma canne. Mon négro je vois tout en rouge comme ça Sadio. Pour des nouvelles ça bat, ils attendent pas la hit. Tous les chemins se rencontrent, on passe tous à la 8. Si on dit qu'on t'aime, crois-nous c'est pas des paroles. Dis-leur maintenant ce qu'on fait, nous c'est tout pour la daronne. Ça sent la carabine, tout pété sous vodka. Ils vont niquer ta grand-mère même si t'es Yuri Boyka. Ils veulent passer les étapes et se mettre avant la boyka. Ils ont goûté au starto, mes yeux mineurs ou corvo. Mais entre eux, qu'est-ce qu'ils sont solidaires. Ils se trompent dessus si toi tu veux les berner. Ils comptent même plus toutes les hommes sans mi-perlin. Ils se connaissent pas eux-mêmes pélo et toi tu veux les cerner. Ouais ça fait tant d'années que notre bonheur à nous résume qu'à délire c'est leur fin. Peut-être demain ça ira. Soleil brille un peu dans la dupe, on a trop goûté l'orage. Et moi perso je suis fan. J'oublie tous mes soucis tellement j'oublie qu'un jour je vais gagner. J'ai mon pétard ma canne. Mon négro je vois tout en rouge comme Sadio Mané. Ouais ça fait tant d'années que notre bonheur à nous résume qu'à délire c'est leur fun. Peut-être demain ça ira. Soleil brille un peu dans la dupe, on a trop goûté l'orage. Et moi perso je suis fan. J'oublie tous mes soucis tellement j'oublie qu'un jour je vais canner. J'ai mon pétard ma canne. Mon négro je vois tout en rouge comme Sadio Mané. Ouais ça fait tant d'années que notre bonheur à nous résume qu'à délire c'est leur fun. Peut-être demain ça ira. Soleil brille un peu dans la dupe, on a trop goûté l'orage. Et moi perso je suis fan. J'oublie tous mes soucis tellement j'oublie qu'un jour je vais canner. J'ai mon pétard ma canne. Mon négro je vois tout en rouge comme Sadio Mané.